Zé. Ouais. Moi je suis pas ton ami, je veux pas ton avis, tu vas faire avec quand t'es pas ravi. Ça passera vite, arrivé des terres pour casser la vitre. Mes Nike vol, chaud, venez surpasser la ville. Chabla. J'suis dans le coin et ça sent le seum par ici. Chabla. Tu me comprends, mais pourtant je suis pas parisien. Chabla. Rien que ça tourne, on a cramé ses parasites. Chabla. Au parking, ils nous attendent des phares éteints. J'suis dans le bad bad, béto, j'fume une lac-lac. 22 y'a la back-back, ce qu'on sous la parka. RAS à part ça. Béto, j'fume une lac-lac. 22 y'a la back-back, ce qu'on sous la parka. J'suis dans le bad bad, béto, j'fume une lac-lac. 22 y'a la back-back, ce qu'on sous la parka. RAS à part ça. Béto, j'fume une lac-lac. 22 y'a la back-back, ce qu'on sous la parka. Aujourd'hui ça dit quoi? Ça dit qu'on a changé de coin. La balle est toujours dans le camp. Là je suis pas là, bourré de la nuit, je me balade à 100, limité à 30. J'ai passé ma vie à gaspiller ma salive. Avant c'était une salive. Et selon moi, t'as accepté ce que tu fais. Faut pas refuser ce qui t'arrive. Bien sapé, Givenchy, Valentino. Et j'ai garé le féfé pas loin de chez moi. T'es endetté, y'a des pesos sur ta tête. Starfou là, j'suis égaré. Zama, c'est moi sur la télé. J'suis dans le coin et ça sent le seum par ici. Tu me comprends, mais pourtant j'suis pas parisien. Chabla. Rien que ça tourne, on a cramé ses parasites. Chabla. Au parking, ils nous attendent des phares éteints. J'suis dans le bad bad, béto, j'fume une lac-lac. 22 y'a la back-back, ce qu'on sous la parka. RAS à part ça. Béto, j'fume une lac-lac. 22 y'a la back-back, ce qu'on sous la parka. J'suis dans le bad bad, béto, j'fume une lac-lac. 22 y'a la back-back, ce qu'on sous la parka. RAS à part ça. Béto, j'fume une lac-lac. 22 y'a la back-back, ce qu'on sous la parka. Toujours dans le secteur. Red bas dans le son calme, nous depuis mineur dans le soquet. Et madame la juge fait la choquer. Eh, son pilote, pas de copilote. Musique à fond, j'roule un gros pilon. J'ai la vue au large, j'crois qu'on a de la marge. J'ai frais, s'il te plaît, ramène les glaçons. Bien sapé, Givenchy, Valentino. Et j'ai garé le féfé pas loin de chez moi. T'es endetté, y'a des pesos sur ta tête. Starfou là, j'suis égaré. Zama, c'est moi sur la télé. J'suis dans le coin et ça sent le seum par ici. Tu me comprends, mais pourtant j'suis pas parisien. Rien que ça tourne, on a cramé ses parasites. Au parking, ils nous attendent des phares éteints. J'suis dans le bad bad, béto, j'fume une lac-lac. 22 y'a la back-back, ce qu'on sous la parka. RAS à part ça. Béto, j'fume une lac-lac. 22 y'a la back-back, ce qu'on sous la parka. J'suis dans le bad bad, béto, j'fume une lac-lac. 22 y'a la back-back, ce qu'on sous la parka. RAS à part ça.